Depuis un mois, la baronne consacrait le prix de ses diamants au ménage de sa fille, après en avoir gardé les plus beaux pour le trousseau. Cette vente produisit 15 000 francs, donc 5 000 furent absorbés par le trousseau d'Hortense. Qu'était-ce que 10 000 francs pour meubler l'appartement des jeunes mariés, si l'on songe aux exigences du luxe moderne? Mais monsieur et madame Hulot-Jeune, le père Crevel et le comte de Forsheim, firent d'importants cadeaux, car le vieil oncle tenait en réserve une somme pour l'argenterie. Grâce à tant de secours, une Parisienne exigeante eût été satisfaite de l'installation du jeune ménage dans l'appartement qu'ils avaient choisi, rue Saint-Dominique, près de l'esplanade des Invalides. Tout y était en harmonie avec leur amour si pur, si franc, si sincère de part et d'autre. Enfin, le grand jour arriva, car ce devait être un aussi grand jour pour le père que pour Hortense et Wenceslas. Madame Marneffe avait décidé de pendre la crémaillère chez elle le lendemain de sa faute et du mariage des deux amoureux.